Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, ici et maintenant et nulle part ailleurs, bah si, partout dans le monde, dans l'univers, qu'est-ce que je raconte, puisque ici, il est quelle heure mon cher Tom? Bonsoir. Je sais pas l'heure qu'il était hier à la même heure. 19h39. Et par contre, si vous écoutez au Québec, là où on salue Radio Biz, 13h39, 13h40 dans là, ça y est, 13h40. Là, 13h40, voilà, ils sont en pleine journée, eux, alors que nous, la journée est finie, mais qu'est-ce qu'il fait chaud? Alors j'espère que là-bas, il fait un peu moins chaud. Il fait chaud. Il fait trop chaud pour travailler. Et je me demande s'il fait pas trop chaud pour faire de la radio. Enfin, bon, ouais, il fait trop chaud tout court. Trop chaud tout court. Allez, ce soir, nous recevons Monsieur Pascal Mulot. Je crois qu'il arrive. T'as entendu? Ouais, c'est lui qui m'entend. Il nous le ramène, là, tu vois, et je crois que c'est lui qui est dans le fourgon. Il a le micro ouvert, tu peux le parler. C'est vrai, dans le fourgon, ils ont un micro. Bonsoir. On a réussi à mettre un micro dans le fourgon. Bonsoir, mon cher Pascal. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, très très bien. Heureux de te recevoir. Merci beaucoup, hein, c'est super. À la maison. Merci, c'est vachement sympa de m'inviter. Alors, tu es là ce soir pour nous annoncer. Alors, on a été surpris, mais agréablement surpris. Parce qu'il se prépare une grosse journée pour nous, pour toi aussi, je suppose, parce qu'il y a énormément d'invités sur ce concert du 30 juin au Triton. Ouais, en fait, j'invite quand je fais des concerts, c'est-à-dire très rarement, j'invite toujours plein d'invités. Je me rappelle d'un concert à la Locomotive dans les années 90 où on était, je crois, qu'on était 13, ce qui porte pas bonheur. En fait, ce soir-là, ça a porté bonheur, c'était un super concert. Donc il y avait Nono de Trust, il y avait Thibaut Abrial, il y avait la femme de Nono, il y avait Hervé Coster, il y avait plus d'une dizaine d'invités, il y avait Patrick déjà, voilà. Donc, alors, on va pas les dévoiler tout de suite, les invités du concert du 30, on va en parler tout à l'heure. Par contre, il y en a encore beaucoup. Pardon ? Il y en a encore beaucoup. Beaucoup d'invités ? On les dévoile pas ? Non, mais il y en a encore beaucoup, donc restez à l'antenne. D'accord, très bien. D'accord. En tout cas, c'est le 30, retenez bien cette date, c'est le 30 juin. Pascal n'est pas venu seul, outre une charmante femme qui est venue absolument, avec toi. Hein, parce que c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais il est pas venu seul, il est venu avec sa deuxième femme. Qui a quatre cordes. Qui a quatre cordes. Celle-là, elle en a quatre. Non, pas en cinq, fait, hein. Malheureusement pour toutes mes autres femmes, c'est ma première femme. C'est vraiment, c'est la base. C'est vraiment. Mais ouais, c'est. Mais je le cache pas. Hein, c'est ta compagne. C'est une. Malheureusement, mes compagnes pourraient en parler. C'est quelque chose qui me prend. C'est une passion qui me dévorante, qui me prend énormément de temps, qui jusqu'à présent, en tout cas, est assez sincère, ce qui fait que tout le reste est un peu relégué au second plan, moi y compris. Mais voilà, je travaille à peu près constamment. Alors sachez que quand il conduit, la basse est sur le siège passager. Hein. Et la femme est limite dans le coffre. Ah bah oui, non, mais la femme dans la carriole qui est derrière, en fait. En fait, j'ai passé. Non, elle est dans la malle. Passé plus de temps avec un instrument de musique avec n'importe quel, n'importe quel ami ou proche de ma famille, je crois. On va en parler parce que justement c'est une grande histoire. Et puis dès qu'on t'a connu, dès qu'on a eu le bonheur d'avoir un petit peu la vie de Pascal Huillot dévoilée, on a tout de suite compris ce que représentait la musique, la basse et le travail que tu as mis dedans. Donc ça, on va en parler également. Pour l'instant, on va repartir sur cette émission. Donc c'est une émission spéciale Sius Festival également, puisque le festival aura lieu le 8 juillet. Donc tout ça, ça se chevauche et tout ça approche surtout. Et donc on aura, si on a le temps, Yann Rache, l'organisateur, au téléphone. On a commencé cette émission avec Anna. Aina, c'est un projet, pour donner des fonds pour la recherche contre le cancer. Et c'est un projet norvégien, hein, donc ça a été instruit par deux personnes qui s'appellent, tu vas peut-être pouvoir me donner les noms, mon cher Tom. Anniken Rasmussen et Marius Danielsen. Merci, on va dire que c'est ça. C'est suite à la mort de Ronnie James Dio, qui est décédé déjà il y a 7 ans. Voilà. Oui, ça fait déjà 7 ans. En fait, c'est pas dû à la mort de Ronnie James Dio, mais je pense que ça, c'est tous les musiciens qui nous ont quittés, mangés par le crabe, et ils se sont dit on va essayer de développer tout ça pour la recherche en Norvège. Mais sur ce projet, on retrouve pas mal de monde. Hein. On retrouve vas-y. Un ex de Halloween, Roland Grappeau, hein, Amanda Somerville de Avantasia. Et de Kiske Somerville. Yes, et on retrouve Matt Barlow de Acid Earth et Ashes to Higher. Et puis voilà, quoi. Astratovarius. Ashes to Ares. Ares, voilà, excuse-moi. Off Ares. Astratovarius avec Marius Kupiari. Ouais, c'est dur à dire. La prochaine fois, j'y arriverai. Bon, tout le monde a compris. Trippers de Primal Fear. Et puis on a. Raphaël Bitancourt d'Angra. D'Angra. Mais il y a plein de musiciens. Hein. C'est un projet un petit peu comme le Irenaid qui avait été fait dans les années 80 pour La fin dans le monde. Bah, là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour. Développer la recherche du cancer en Norvège. Voilà, donc c'était un titre, bien entendu, vous l'avez tous reconnu, de Ronnie James Dio. C'était Holy Diver. Et le titre de cet album s'appelle Metal for Charity. On va vous dire aussi ce que l'on entend en fond sonore, mon cher Tom, puisque le groupe sera en concert. Un excellent groupe. Toi, c'est sympa. Queensryche ? Non, Queensryche. Queensryche ? Ou Queensryche, voilà. Si tu préfères. Queensryche, groupe américain, dont le dernier album s'appelle Condition Human, qui a été sorti en 2015 chez Century Media. Le groupe s'est séparé, bien sûr, de Geoff Tate, qui était au chant, qui lui a reformé un groupe qui s'appelle Operation Mindcrime. Allez chercher pourquoi, tout simplement parce que c'était certainement l'un des meilleurs albums de Queensryche. Et donc voilà, ça nous fait deux groupes, deux entités. Et le groupe Queensryche sera en concert donc demain soir à Vauréal, au Forum, avec Methodica. On va enchaîner avec des nouveautés, une nouveauté qu'on vous a déjà commencé à passer la semaine dernière. On parlera du concert après, hein, parce que je sais que tu as vu qu'il y avait le concert après, mais on en reparlera après. Il y en a tellement, tu vois. Donc on va commencer avec Accept, qu'on vous avait diffusé en fin d'émission, et on ne sait pas si tout le monde a bien pu l'écouter. Donc c'est un titre tiré de leur prochain album qui sortira le 4 août. Ça s'appelle The Rise of Chaos, et c'est le titre éponyme de l'album. C'est le 15e album du groupe, il contient 10 titres, c'est un groupe allemand bien entendu. Il n'y a plus non plus Udo Dirkschneider, qui était le chanteur pendant des années. C'est l'ancien chanteur de Titi Quick, un Italien, hein, qui a remplacé donc Udo Dirkschneider. Par contre, Udo Dirkschneider a reformé un groupe qui s'appelle Dirkschneider avec son frère, avec ses frères. Et il y a un nouvel album live qui doit sortir prochainement, on vous en parlera très prochainement. Accept, c'est un quintet de heavy metal pur allemand. Ça chante en anglais, bien entendu. On enchaînera avec Absolva. Absolva, tu les as découverts avec Blaise Bellet, mon cher. Yes, Absolva. On avait déjà parlé. Oui. Avant que j'aille voir le groupe. Que j'aille voir le groupe. Enfin, les musiciens du groupe qui accompagnent Blaise Bellet. Oui. Donc l'album sortira le 28 juillet chez Rock Sector Records. Et c'est un groupe qui fait du pur heavy metal également. Ce sera le 5e album du groupe. Alors attention, c'est un double album. Il contient 12 titres plus un CD bonus avec des lives, des versions acoustiques, des inédits. Enfin bref, vous en avez pour votre argent. Et plein de faces B aussi du groupe. C'est avec le bassiste d'Icedurst également. Tu vois, il est un peu partout lui aussi. Hein, et trois autres membres donc d'Absolva qui jouent avec Blaise Bellet sur le concert qu'on avait été voir. Je sais plus quand c'était il y a 2 mois, 3 mois. Truc comme ça. C'était monstrueux au niveau des musiciens, quoi. C'est des musiciens de haute classe. C'est des bêtes de scène. C'est un groupe anglais qui nous vient de Manchester. Ils se font tuer heavy metal, c'est un quintet. Ils se sont formés en 2012 et ils seront surtout en concert à chez Paulette. Ouais, à Pagnet, derrière Barine, c'est dans le 54. Et ce sera le 16 septembre. Voilà. On terminera cette première partie musicale avec Wintersorg, ou Fintersorg, je ne sais pas comment on prononce. Suédois, quoi. C'est un groupe suédois qui chante en suédois. Donc je vais te laisser prononcer et le titre de l'album, avec ton magnifique accent suédois, et le titre du morceau, bien entendu. Le titre du morceau, Varflod. Non, ça va encore, c'est moins dur. Ouais. Le titre de l'album est beaucoup plus compliqué. Tire le false del high. Allez, voilà. On te l'accorde. On va dire ça comme ça. Sorti chez Napalm Records le 30. Qui sortira plutôt chez Napalm le 30 juin. Et le 30 juin, il y a un concert de Pascal Mulot, à ne pas rater, au Triton. On vous donnera tous les détails tout à l'heure. C'est le 10e album du groupe Wintersorg. Il contient 9 titres avec un CD, 4 titres en bonus. Et c'est le 2e chapitre du premier album qui était sorti en 1998. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le groupe s'est formé en 1996 et c'est un quartet de black folk metal. On envoie tout de suite la musique, on va vous rappeler quand même le numéro de téléphone, même si ce soir il n'y a pas grand chose à gagner. Juste peut-être un peu d'air frais que vous pouvez nous envoyer par SMS. Ça sera bien pour nous, ça. Voilà, c'est le 06 81 01 28 34. Allez, on envoie la musique. We'll be right back. studios. Aïe, de retour dans les studios. Et tout est en direct ce soir, parce qu'il y aura, il va y avoir une impro. Hein, on va faire une impro. Je vais laisser d'ailleurs Pascal présenter son impro. Pour l'instant, je vais vous présenter Pascal. Donc Pascal, qui est ici présent, mon cher ami. Ouais. Parle dans ton micro. Oui, ok. Qui est ici présent malgré la chaleur. Alors ce soir, il a dit c'était le Rock for Show, mais C-H-A-U-D. Hein. mais c'est même Rock for Fournaise ce soir. Hein. Et j'espère que les doigts vont pas trop ripper sur la basse. En tout cas, voilà. Pascal, pour résumer hein, vraiment très, très succinctement, 4 albums solo. 4 albums à ton nom. 4 albums solo, je travaille sur le 5e actuellement. Ouais. Et 4 albums fort différents les uns des autres ? Peut-être. C'est plutôt 4 albums assez expérimentaux, en fait, hein, avec la basse au centre. Et on ne peut pas vraiment dire. Ce qui m'intéresse, c'est la musique en général, pas un style en particulier. Donc tu ne peux pas vraiment cataloguer ça quelque part, à part rock instrumental. Mais t'as des, sur le premier, tu avais quand même une reprise de Coltrane, de John Coltrane, tu vois, à la contrebasse. Des délires complètement barrés à la Hendrix. J'aime la musique en général, donc le rock pour moi c'est un peu. C'était une carte de visite, le premier album Purple Haze. À l'époque c'était tout sauf une carte de visite. Ouais, c'était pas pour montrer un petit peu tout ce que tu étais non, capable de. Non, pas du de... tout. En fait, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé vraiment comme ça. J'étais dans le bureau de Bobby Bruno, qui était le manager de Patrick Honda et l'ancien manager de Trust, et qui donc Patrick faisait. On venait de terminer son 2e album, donc à l'époque sur des majors, ça existait encore. Sur lequel tu jouais ? Sur lequel je jouais. Et il m'a demandé est-ce que tu veux faire un disque solo ? Et j'ai dit oui. Et il m'a demandé est-ce que tu es prêt ? J'ai fait oui, mais c'était un mensonge. Donc je me suis retrouvé au studio Davout, qui est le plus grand studio parisien, bloqué pendant un mois, ce qui est un luxe incroyable pour un premier album, hein, avec mixé par Steve Prestige, donc position extraordinaire. Mais donc je me suis dit, on ne peut pas dire non, je vais le faire plus tard. Donc je l'ai fait, j'ai composé la moitié des morceaux en studio en fait. Donc, parce que quand on te propose une l'occasion de faire quelque chose, tu dis pas oui, je vais le faire plus tard ou quoi que ce soit, parce que je me rappelle très bien aussi qu'on avait proposé ça à Christian Damour, le batteur qui est décédé de Patrick Honda. C'est-à-dire que le producteur de Patrick voulait faire un album de Patrick et puis un package, un album de Pascal et un album de Christian. Ce qui fait que le trio à l'époque aurait été une première en France, et puis c'est vachement crédibilisant et c'est un super concept, une super idée de créatif tout simplement. Et Christian, lui, n'a jamais donné suite. Il a dit oui, je vais le faire, mais je suis pas prêt, ou je vais le faire. Il l'a jamais fait. Donc on propose des choses comme ça, faut y aller. Il ouais, faut y aller. Ouais. Ça, c'est ce qu'on vous dit chaque semaine à tous nos auditeurs. Prenez le plaisir dès qu'il est là, immédiat. C'est immédiat, il faut le prendre maintenant. La vie est tellement courte, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Qu'il faut prendre le plaisir vraiment immédiatement. Oui. Nous, on est contents de t'avoir là immédiatement. C'est gentil, merci. Et on va te laisser partir sur une impro. Quelque chose qui a été quand même un petit peu que tu as déjà. Oui, c'est un morceau qui est une démo en fait pour quand je fais les salons de la musique, qui est une démo un peu à la Level 42. Alors je vais la répéter puisque je dois la jouer au concert et que j'ai pas eu le temps de la répéter. Donc c'est très bien, ça fera une répétition. C'est bien, il vient en Rock for Show pour répéter en fait. Ça c'est cool. Allez, une petite session Rock for Show pour vous, Pascal Mulot. Il y a du son, c'est parti. Tu me mets plus fort, c'est parti. Thank you. Choukrane. Bravo, bravo, bravo. Voilà, en tout c'était cas, très, très, très chaud et même au niveau du fond, tout ça. Lui, c'était les 18 heures. Tout est bien passé, hein, parce que au départ, on n'entendait pas trop le playback. C'était un peu chaotique au début. Non, mais j'entendais rien, mais moi, j'avais une bonne excuse pour me planter. Ouais. Tiens, par contre, si tu peux me couper le playback et me mettre, par contre, le fond sonore, le vrai cette fois-ci. Et puis, on reviendra avec Pascal et sa basse tout à l'heure. On va parler également, parce qu'il n'y a pas que Pascal Mulot en solo, il y a Pascal Mulot dans des groupes, et il y a Pascal Mulot dans Triple FX, avec Pascal Vigné et Gaël Ferret. Et Gaël Ferret, alors Pascal, c'est une rencontre importante, puisqu'on a fait pas mal de choses ensemble. Ça me plaît bien de participer à la carrière de potes, d'amis, qui ont énormément de talent, ça me plaît tout particulièrement, oui. Il y a Stéphane Grangier aussi, qui est pour moi le plus grand auteur-compositeur de France, qui est dans la lignée de Jacques Brel, quoi, c'est vraiment une grande dimension. Il y a d'autres personnes, il y a effectivement Renaud Hanson, qui est une personne essentielle, qui a un talent incroyable, Satan Joker, c'est d'ailleurs grâce à toi, et il va y avoir des remerciements publics, que c'est grâce à toi, on s'est retrouvés un soir et on a bouffé ensemble. C'était à l'Espace et, B. Ouais, et puis tu as lancé l'idée d'un festival, et je ne sais plus qui a eu l'idée. Si c'est toi ou moi, mais peu importe, on a rebondi. J'ai déjà raconté l'histoire ici. L'histoire, je peux te la rappeler. C'était Renaud m'avait dit, on peut reformer Satan Joker seulement quand Laurent Bernat sera revenu. Oui. Et je t'ai dit cette phrase-là, et tu m'as dit, mais ça va pas se faire. Je dis, non. Donc ça voulait dire que ça ne se ferait pas. Et tu m'as dit, dis-lui que si il veut, le meilleur ami de Laurent Bernat pourrait lui rendre hommage. Ouais. Ok. Et c'est comme ça que je lui ai présenté. Et il a cherché, il m'a dit mais qui est-ce ? J'ai dit si tu connais le meilleur ami de Laurent Bernat, tu dois savoir qui peut lui rendre hommage. Et le nom de Pascal Mulot est arrivé dans la bouche de sans faire de jeu de mots, dans la bouche de Renaud. Ouais. Voilà. Et ne fais pas de jeu de mots parce que Renaud n'aime pas les jeux de mots. Voilà. Il serait choqué. Mais donc merci beaucoup parce que moi, si j'ai voulu faire de la musique, c'est pas pour faire le métier de la musique accompagnateur, c'est pour être artiste et puis pour essayer de créer des choses et de. Non, puis je sais que tu prends beaucoup de plaisir. Ça se voit. Je m'éclate incroyablement. C'est monstrueux. Avoir un chanteur comme Renaud, c'est monstrueux. Très sincèrement. Là, je fais aussi, on fait de la variété quelque part, puisqu'on fait de grande classe, hein, parce que la variété, c'est très dur à bien faire. On fait le spectacle de Michel Berger avec Renaud. Il chante. Oui, parce qu'en fait, tu participes à tous les. Ah, mais moi, je considère que je fais partie de. Une fois que les gens rentrent dans ma vie, moi, je considère qu'il fait partie de ma famille, Renaud. Une fois que les gens rentrent dans ma vie, c'est pareil pour Pascal, c'est pareil pour Patrick, même si on se voit pas beaucoup, Gaël. Pour Doudou Vest, pour Gaël, on se voit moins, mais surtout je te dis de la vérité, Gaël, c'est un mec que j'adore, surtout des connexions avec des gens comme ça qui sont créatifs et puis qui une personnalité qui m'intéresse. Alors Gaël Ferrand, on va citer quand même son groupe phare, hein, puisque c'est Misanthrope, qui est encore dans un autre univers musical que l'on adore. Hein, ce sont des amis. Enfin, après toutes ces années passées dans la musique, c'est vrai que on a plein d'amis communs tous, et même si parfois il y a quelques frictions, La musique nous permet de, quand même de se retrouver autour d'une même passion. Parce qu'en fait, c'est ça, tout est question de passion. Et revenons un petit peu à... Comment es-tu devenu bassiste en fait au départ ? Est-ce que c'était une vocation ? Pourquoi la basse ? Pourquoi pas la guitare ? Pourquoi pas le piano ? Pourquoi la basse ? Mon père est contrebassiste de jazz, donc professionnel. Donc il y avait tout enfant, tout gosse, j'écoutais les disques de d'Armstrong et d'Oscar Peterson à la maison. Donc ça forme l'oreille en fait. En plus le fait de voir ton papa jouer, parce que j'allais le voir quand il jouait au Slow Club ou quand on partait en vacances au Club Med, c'est l'époque où le Club Med invitait des musiciens. Donc je passais un mois à écouter mon père jouer le soir. Et donc ça, c'est vrai que ça enrichit beaucoup les fils de musiciens ont cette chance là. Après mon père est contrebassiste de jazz, moi j'ai une culture assez étendue, mais c'est vrai que faire du hard rock c'était quand même le meilleur moyen pour le faire chier. Donc je déconne, mais pas tant que ça en fait. Je crois que l'adolescence j'ai toujours une part d'adolescent en moi en fait. Il s'est passé beaucoup de choses à cette époque-là musicalement. J'ai acheté un disque un jour à la Fnac. J'en parlais toujours uniquement pour la pochette. C'était un disque qui s'appelle Destroyer de Kiss, qui est un disque extrêmement bien produit, un disque de hard rock mythique. Et je n'écoutais pas de hard rock à l'époque, j'écoutais du jazz, j'écoutais de la variété internationale, genre Elton John, les Eagles, ce que tu veux, tu vois, tout ce qu'on a tous écouté un peu. Et puis je me rappelle très bien, j'ai posé ce disque sur la platine et l'intro de Detroit Rock City avec cet énorme dérapage de voiture. C'est monstrueux. Le son, la production de Kramer, je crois, était monstrueuse. Et les guitares, quand elles sont rentrées. Et toute la symbolique d'un groupe de hard rock, en fait, le fait de pouvoir jouer devant énormément de gens, le fait de pouvoir faire le show, le fait d'avoir cette possibilité d'apporter énormément de générosité dans ces shows, de communier avec le public, ça, je pense, on ne le retrouvait pas dans le jazz. Et ça m'a énormément marqué, ça m'a touché. Mais je me rappelle, à l'époque, avant d'aller à l'école, je me levais une demi-heure avant. Je m'étais réveillé une demi-heure avant et j'écoutais des disques quand je prenais mon petit-déj chaque jour. Donc pour gagner du temps, je me réveillais une heure plus tôt pour écouter des disques de Van Halen, pour écouter des disques de d'Armstrong ou ce qu'il y avait, que mon père avait. Mais là, tu n'avais pas encore commencé à travailler la basse ? Non, pas du tout. C'était juste la passion pour la musique. C'est juste la passion pour la musique. J'ai commencé la basse à 19 ans, en fait. En fait, je crois que c'est 20 ans, mais je crois que c'est 19 ans. Parce que les dernières paroles que j'ai entendues de l'administration scolaire, et c'est une vérité, hein, c'est si vous revenez, on appelle la police. Alors, on était trois fouteurs de merde, mais fouteurs de merde sympas. Il y avait mon ami toujours Clairefond, qui lui est devenu banquier d'affaires. Il y en a un qui est devenu, Geoffrey, qui est devenu dentiste dans les beaux quartiers. Et moi qui ai mal terminé, donc qui ai fait saltimbanque. Mais les études ne m'intéressaient pas. Je ne voyais pas vraiment de finalité. Je voulais faire médecine. Mais ça ne m'a pas captivé. Et un mois avant le bac, je suis parti en fait. Et j'ai commencé à faire de la basse. La première année, j'en faisais un peu comme un vacancier, c'est-à-dire une heure ou deux par jour. Malgré le fait que je voulais en faire mon métier, on n'est pas obligé de travailler 15 heures par jour pour faire musicien professionnel. Hein, voilà. Moi, je voulais me marrer, je voulais jouer avec Coluche, je voulais jouer avec des acteurs, je voulais me marrer et faire un métier sympa. Et puis, je me suis pris au jeu et la deuxième année, donc, c'était quand même de travail effectif 10 heures par jour. C'est-à-dire, je compte pas le temps où je mange ou je fais pipi ou quoi. Mes parents ont dû repeindre les toilettes parce que même quand j'allais pisser, je gardais la basse. Et donc, je mettais des coups de basse dans le mur. D'accord ? Parce que quand tu as pissé, il y a toujours un moment où t'attends que la goutte. Où tu secoues la nouille. Voilà, où tu secoues la nouille. Et moi, je ne voulais pas perdre de temps du tout, une seule seconde. Donc, il fallait que je travaille. Donc, je travaillais. Même quand je pissais, j'ai tout fait avec la basse. Tout. Voilà, donc voilà. C'est l'artiste par oui, excellence, quoi. Oui, si tu veux, c'est quand même, on est quand même des pathologiquement, ça va pas. Mais est-ce que tu es passé à côté de quelque. Est-ce que tu te dis, avec le recul maintenant, bon, bien entendu, tu n'en serais peut-être pas là où tu en es aujourd'hui si tu n'avais pas bossé comme ça. Non, mais est-ce que tu te dis pas, à un moment donné, j'ai peut-être raté des. Non, non. Au contraire, c'est tout le contraire. Grâce à ça, je suis parti, j'ai fait un concert fabuleux devant 3000 personnes où des voituriers venaient nous chercher. J'ai mené avec Steve Vai et c'était un coup de tête à des concerts magiques. Bon, j'ai vécu des choses magiques, j'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai des contacts avec des gens qui m'appellent, qui me contactent sur Facebook, pour qui ça représente quelque chose, peut-être même pas plus que moi, mais ça représente quelque chose. Donc non, je peux pas dire que je regrette. C'était un pari quand même insensé, parce qu'à l'époque, il n'existait pas de... N'existait pas de vague de musiciens de hard rock qui faisaient des disques ou de musiciens. C'est venu plus tard. Ouais. C'est venu plus tard. Et donc, tu imagines quand même t'enfermer 3-4 ans chez tes parents sans aller un jour au cinéma, sans faire une sortie ou quoi que ce soit. Je devais aller 2-3 fois, 2-3 sorties par an. Tous les jours, je me réveillais. De mon lit à la salle de bain, je pensais à la basse. Ensuite, je bouffais de l'avoine avec du café. Ok, de l'avoine, c'est des trucs pour les chevaux, donc oui, c'est du speed, d'accord. Mélangé avec du café pour tenir toute la matinée. J'allais dans la salle de bain qui fait chez mes parents 1 mètre carré viable. Pourquoi? Parce que mon père qui rentrait tard le soir, je pouvais pas le déranger en faisant de la basse. Donc j'allais travailler avec un métronome et dans une salle de bain, parce qu'on entend très bien les vibrations d'un instrument dans une salle de bain. C'est pas, voilà, paradoxal. Je travaillais 2-3 heures tout seul, enfermé dans 1 mètre carré viable. Ensuite, mon père se levait, je mangeais. Pour pouvoir faire de la basse l'après-midi. Ensuite, ma mère arrivait, on mangeait, je faisais de la basse le soir. Ça a duré 3-4 ans. Et là encore, je préviens tous les gens qui me côtoient, attention, je suis malade quand même. C'est une pathologie, c'est une belle pathologie, mais c'est une pathologie. Le cerveau a besoin. Donc c'est une pathologie qui nous fait plaisir, mais après... C'est gentil. Bah oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est, comme j'expliquais aussi à Tom hors antenne, ça a été quand même le premier bass hero français, quoi. Ça oui. N'existait pas. Oui, oui, mais il n'y en a pas eu... Bass hero, il y en a. En France, en rock, non, parce que c'est pas facile, je pense. C'est pas facile de dire je vais mettre ma gueule sur un disque parce qu'il y a une part. Est-ce que tu crois que c'est spécifique au monde, on va dire métal, mais alors que tous les albums ne sont pas dirigés métal. Mais est-ce que ce serait spécifique au monde rock en général? Non, parce qu'on a un peu changé. Non, c'est gentil, merci. C'est ma. Non, je me sers un verre d'eau parce qu'il fait vas-y. On a un peu changé la donne. Avec Patrick Ronda, c'est pas que nous qui avons changé la donne. Nous, on a changé la donne en disant oui, on va créer quelque chose et mettre notre gueule dessus en tant que musicien. Mais c'est surtout Bobby Bruno et Paul Putty qui nous ont proposé, ce sont les producteurs. Sans Bobby Bruno et Paul Putty, il y a une vague comme ça d'instrumental après, mais si on n'avait pas marqué le pas, et si Paul et Bobby nous avaient pas proposé, les maisons de disques n'auraient pas suivi, ça a marché, on ne sait pas pourquoi, bon, peut-être parce que c'est parce que c'était honnête. Parce que peut-être c'est à peu près honnête, oui, que ça a à peu près un peu de sens. Mais c'est pas évident de me mettre sa gueule sur un album, et en fait, au départ, c'est pas évident, mais en fait, avec le temps, c'est un honneur. Parce que merci à tous les gens qui te renvoient l'énergie et la passion que tu as donnée. Ça, j'ai ça dans ma vie. Je peux pas dire que j'y suis pas sensible. C'est ma mission. Écoute, on va repartir en musique avec des gens qui seront invités au Triton. Ouais. Et on va commencer avec Patrick Ronda. Oh là là. On en a parlé tout là à l'heure. Là hein. L'album sur lequel tu as participé, génial. Qui s'appelle Rape of, of the Earth. Alors je dis oh là là, je déconne évidemment. Et c'est là où le grand public en fait métal, on va parler du grand public métal, t'a découvert et on s'est dit mais qui est ce charmant jeune homme, cet extraterrestre un petit peu qui joue aussi bien de la basse, parce que ce groupe en fait c'était quand même que des solistes, oui. Dans un groupe. C'est un groupe d'artistes en fait. Hein. C'était la première fois qu'on voyait moi, ça. Moi, le 30 juin au Triton, j'aurais un groupe d'artistes, j'aurais pas un groupe d'accompagnateurs. Et j'aurais Aurel à la batterie qui fait un disque solo, qui est un artiste, qui a une démarche d'artiste. J'aurais Renaud-Louis Servet qui est guitariste extraordinaire et qui fait des disques et qui sont sublimes. J'aurais Médéric Collignon qui a une compétition, qui a une démarche d'artiste, qui va faire 3-4 titres à la Miles Davis. Okay. Donc c'était un groupe d'artistes. C'était pas un groupe d'accompagnateurs et c'est ce qui a peut-être fait le cachet de ce disque. Mmh. C'était aussi la première fois qu'en France, c'était une vraie production. C'était la rencontre à un moment de 3 personnalités, le studio Davout aussi, qui était un grand studio, et puis un vrai producteur qui s'appelait Steve Prestige, à qui il faut rendre hommage, qui j'ai demandé de faire tous mes albums après, qui est un mec, non seulement un mec en or et charmant, mais aussi un extraordinaire producteur, un vrai producteur. Donc les compositions, parce qu'on parle beaucoup de la technique des musiciens, mais les compositions et la démarche créative de Patrick Ronda sur cet album, il y a des vraies mélodies. Mon morceau préféré, c'est The Last Whale, qui est un morceau très mélodique où il joue, et, c'est merveilleux quoi. Allez, on écoute tout de suite Patrick Ronda et on se retrouve tout de suite après avec Pascal Mulot. J'ai pas suivi, excusez-moi. Ah, c'est, on lance le titre, c'est ça? Bah oui, on lance le titre, mon cher ami. J'étais ouais, t'avais tes moufles. Non, j'étais parti au Québec. Tu buvais les paroles de Pascal. J'étais parti au Québec, excuse-moi, mais. Et vas-y. Ça m'arrive d'aller au Québec et de revenir aussitôt. Patrick Ponda. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, 21h30 passé, hein, ça mon cher Tom. 20h30, sinon 21h30 on ne serait plus là. 21h30 passé, ça serait déjà terminé, il serait l'heure d'aller sous la douche. Donc non, nous sommes toujours dans le Rock for Show, encore une heure à passer avec vous et avec Pascal Mulot, mais pas seulement, puisqu'il y aura aussi Yann Rache du Silus Festival qui nous appellera tout à l'heure afin qu'on parle du festival. Pour l'instant, on va parler surtout du concert qui aura lieu donc le 30. Donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Hein, bah c'est vendredi prochain. Ouais. Déjà, vendredi prochain. Et ça sera donc au Triton. Donc on vous a dit, le Triton, c'est pas à Paris même, c'est au Lila, c'est Porte des Lilas, hein, dans le 93. Et l'adresse, c'est le 11 bis rue du Coq Français. Voilà. Pascal Mulot, Coq, est-ce que ça a été fait pour ? Est-ce que ça a été pensé, cette date ? De toute façon, ce sera un groupe d'animaux, donc ça tombe très bien. Picoque français, avec justement cette défiance un petit peu, cette fierté. Ah, le côté... Hein le côté coq français, oui, oh bon. Non, c'est une blague. Ouais. Mais on va y retrouver, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Patrick Ronda. Patrick Ronda qui va venir jouer 2-3 morceaux. Pascal Vignier qui va venir jouer 2-3 morceaux aussi. Et si j'aurais invité aussi Christophe Godin. Moi, j'ai fait ce concert, depuis le concert qu'on a fait au Palais des Festivals, où on était énormément sur scène aussi avec TM Stevens, Blue Saraceno, et on se partageait la basse avec TM. Je me suis dit que c'était trop généreux, c'était trop top. Les gens ont kiffé, les gens ont adoré, on a adoré. Et en fait, il y avait une telle... Tu vois, je trouve ça plus généreux, en fait. Donc... je me vois mal faire un concert sans inviter, je peux le faire, mais bon, comme j'en fais pas souvent, j'invite les gens qui sont importants. Et puis je pense que c'est mieux pour tout le monde, en fait. Voilà. Et puis on va parler aussi, parce qu'on est là aussi pour faire de la pub, hein, même s'il n'y a pas de pub du tout dans cette émission. Ouais. Tu es endorsé toujours par Vigier ? Ah, Patrice. Bah, Patrice, oui. Alors moi, je veux bien parler de Patrice Vigier, parce que c'est pas... l'endorsement, c'est une chose. Bon, amical. Patrice Vigier, c'est dans le business des instruments, c'est la seule personne morale que je connaisse. Je connais le business des instruments depuis 1992. Mon premier album, c'était en 92. Donc, en business des fabricants d'instruments, il y a un mec qui s'appelle Marc Goudet, qui était le patron de Tracédot, qui est devenu un ami, qui m'a repéré à l'époque. Et grâce à lui, j'étais plein de fois aux États-Unis, j'ai fait plein de salons dans le monde entier. C'est grâce à ce mec-là. Et c'est un milieu de businessman. Mais c'est vraiment Patrice Vigier. Je dis pas ça pour avoir un modèle signature, mais quand même. Non, mais t'as quand même été fidèle du début jusqu'à maintenant. J'ai fait plusieurs marques, mais en fait, je me suis barré quand les mecs avec qui j'étais ami s'en allaient dans une autre marque. Par exemple, c'était le cas avec Woody, l'artiste relation de Warwick. Il a quitté Warwick, il a été sur Status à l'époque, donc je suis mon pote. Parce que toutes ces histoires-là, ça peut être très sympa, mais si t'as pas une vraie confiance et un vrai contact humain, ça sert à rien, en fait. Est-ce que tu as encore ta toute première basse? Alors ma toute première basse, j'ai dû la vendre ou je sais pas, je l'ai pas. D'autant que j'avais une basse à un moment, une Flying V qu'un luthier m'avait fait. Et puis j'étais un peu dans mon monde parce que je l'ai cassé sur mon lit parce que j'arrivais pas à passer un plan, ça m'a énervé. J'ai pris la basse. Et je l'ai fracassé sur mon lit en bois. Et mon lit en bois était cassé en deux. Mais la basse a un peu résisté. Et après, j'ai pris mon flingue d'alarme à grenaille. Et je lui ai shooté sa mère. Et mon père est rentré. Il y avait de la fumée partout. Il a fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais rien, je m'entraîne. Et c'est vrai. Donc, on peut dire quelque part que je ne suis pas complètement normal. Donc, en fait, il va falloir écrire aussi un bouquin sur Pascal Mulot, le personnage. Non, j'aimerais bien écrire un livre pour parler des gens que j'ai connus, qui me sont chers, des personnages que j'ai rencontrés, vraiment incroyables grâce à ce métier. Et si j'ai encore la force, je pense que je ferai un bouquin, mais j'en ferai qu'un. Nous, ce qu'on va faire de toute façon, c'est que le Rock for Show, ça va s'arrêter à un moment donné. Hein. Ça fait 34 ans maintenant qu'on fait l'émission, donc ça va s'arrêter. Mais je pense qu'on va faire le rock divan, hein, on va faire ça, et puis on demandera aux artistes qui viennent, tu sais quoi, on essaiera de leur faire une petite psychanalyse. Mais c'est vachement intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que ça permet de découvrir les personnalités des gens. Et peut-être pas une psychanalyse ou quoi que ce soit, mais le fait de parler vraiment ouvertement et honnêtement avec, avec un mec qui a consacré sa vie à la musique, et il y en a plein. Je pense que ça intéresserait les gens. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Ça nous intéresse, et comme on est avant tout également des auditeurs, puisqu'on n'a pas fait ce métier-là, animateur radio comme ça, par hasard, hein, c'est pas une lubie, passion, c'est aussi une passion. En écoutant, nous aussi, on a nos références. On a Francis Zégut, et puis on a Jeff, on a Jean-François Moulec, tous ces grands artistes qui étaient là, des artistes du micro, de la radio. Voilà, c'est un peu la même chose. Et quand ça dure comme ça 34 ans, c'est que derrière il y a aussi quelque chose qui raccroche. 34 ans, ouais, ça fait 34 ans. 34 ans, ouais, 34 ans. On les fêtera le 18 décembre. Les 34 ans. Voilà. Bon, bravo. Et nous, ça nous fait plaisir de recevoir des artistes que l'on a aimés et puis qui sont devenus par la force des choses et par la suite, hein, l'ambiance musicale, des amis. Parce que moi, tous ceux que je reçois ici autour du micro, je les considère avant tout comme des amis. Et donc, nous, ça nous fait vraiment un très, très grand plaisir de te voir là et de voir en plus que derrière, les amis des amis des amis sont aussi nos amis. Quoi. Donc, pour nous, la boucle est bouclée. Et on enjoint tout le monde à aller au Triton le 30 juin. Comme ça, vous allez voir tous ceux que vous avez aimés, tous ceux que vous aimerez encore, pour ceux qui sont nouveaux, qui écoutent pour la première fois Pascal Mulot ici à la radio. J'en doute, hein, parce que je pense que les auditeurs sont quand même assez fidèles et connaissent un peu le parcours musical que l'on rediffuse chaque semaine. En tout cas, nous, on est vraiment très fiers de t'avoir reçu ce soir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant le concert ou autre chose ? Écoutez, je serais ravi de vous retrouver là-bas. Je sais que je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'on ne peut jamais dire comment on va jouer, tout simplement. Tout ce que je sais, c'est que je donnerai le maximum. Comme d'habitude ? Comme d'habitude, ouais. Parce que ça, c'est aussi ton habitude, tu n'es pas avare. Et qu'en fait, je m'en fous de me planter. C'est ce que je dis aux musiciens, je m'en fous si vous vous plantez ou quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que vous vous éclatiez, que ça joue et que vous soyez généreux. Ouais. Le reste, ce n'est pas très important. Ouais. Tu avais joué aussi également au Paris Metal France Festival avec Triple FX ? Oui, tout à fait. Donc c'était des artistes moi que j'avais découvert à l'Espace B. Donc, la première fois que je voyais Triple FX, c'était à l'Espace B. Ouais, ouais. Et j'avais vraiment flashé, craqué sur le groupe. Ah, et on avait dit ça fera l'ouverture du Paris Metal France Festival. Et à l'époque, vous aviez accepté avec grand bonheur pour nous. Pascal Vigné, c'est quelqu'un qui restera, qui fera des choses. J'ai toujours dit, je l'ai rencontré, je sais plus, il y a quelques années quand même, et je sais que généralement je me trompe pas. Et il a fait des choses, c'est un vrai artiste. Patrick aussi, ça fait quand même 30-35 ans que Patrick Ronda a une carrière qu'il n'a pas abandonnée. C'est la même chose pour moi. Moi, c'est vraiment ce qui m'importe de plus en plus, même. C'est très bizarre. Et donc, Pascal, il fait partie de ces gens-là. Oui. Bon, vous avez des artistes comme ça en France, comme Christophe Godin aussi, hein, que je connais un peu. Aurel, le batteur. C'est un batteur qui est un instrument d'accompagnement, qui est un instrument aussi qui peut être un instrument soliste. Bon, Aurel il a quand même eu les couilles de produire un disque. Vous savez, c'est beaucoup d'énergie. Hein. Mais il y a une grande osmose entre la batterie et la basse. C'est la section rythmique. Oui, absolument. On s'entend vachement bien. Très bien. Ouais. Pascal, merci d'être venu. Tu restes, hein, bien entendu, et on va se voir jusqu'à la fin de l'émission. On aura peut-être une petite surprise pour vous pour la semaine prochaine par Pascal Mulot. On vous rappelle donc la date, c'est le 30 juin, à partir de 20h. Donc vous pourrez retrouver Patrick Ronda, Pascal Vigné, plein d'autres artistes qui viennent accompagner Pascal Mulot. C'est au 11 bis rue du Coq Français. Et c'est au Lila, l'endroit s'appelle le Triton. C'est à peu près 15 euros, 10-15 euros. Je crois que c'est 10-15 euros maximum. Ouais, voilà. Et vous allez donc sur le Facebook de Pascal Mulot. Et il y a un numéro de téléphone si vous voulez réserver, si vous voulez avoir plus de renseignements, ou même poser des questions si tout simplement. Si c'est plus que 15 euros, vous envoyez la note à Renaud Hanson. C'est pas grave. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on poursuit donc avec un ami que vous retrouverez donc à ce concert du 30, puisqu'il s'agit de Pascal Vigné avec son groupe Triple FX, où on retrouve donc Pascal Mulot à la basse et Gaël Ferret à la batterie. C'est parti, le morceau s'appelle Poi Poi. We'll be right back. dans les studios, nous changeons un peu de style après Triple FX et son Poi Poi. J'espère que vous avez apprécié, moi j'adore. Et j'ai découvert Triple FX à l'Espace B, on en parlait tout à l'heure. Et je vais bien entendu redécouvrir Pascal avec plaisir. Ils étaient venus au Paris Metal France Festival, c'était pour le 3. Au Pouf. L'ouverture du 3, je crois. Et on suit la carrière de Pascal Vignier, de Pascal Mulot et également de Patrick Ronda, puisque ce sont vraiment trois artistes qui me sont très chers à mon petit cœur qui bat comme ça au son de la musique. Nous allons donc vous parler maintenant du Silus Festival. Silus Festival qui aura lieu dans le 71. C'est quoi ? C'est la Haute-Saône, ça, le 71, il me semble ? Je ne peux pas te dire. À côté de Mâcon, je crois. Non, c'est pas ça ? Non, je sais pas. Enfin bref, ça se trouve à Autun, A-U-T-U-N. Et il y aura une bonne dizaine de groupes, dont les deux groupes dont je vais vous parler maintenant, puisqu'il s'agit de Manigance. Manigance qui est en pleine préparation de son nouvel album. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, là, on a choisi un titre de Volteface, le dernier album sorti chez Vericord en 2014. Et le titre que je vous ai choisi ce soir s'appelle Le Mirage. Mon cher Tom, des choses oui, à dire sur je te confirme juste ce que tu viens de dire, que c'est bien en Saône-et-Loire. C'est ça. Dans la région Bourgogne. Bah, j'avais dit Haute-Saône, mais Saône-et-Loire, c'est le département d'après. Voilà, c'est ça. Bourgogne-Franche-Comté. Donc Manigance, ouais, en concert, Manigance avec leur album Volteface, le titre Le Mirage, comme tu viens de dire, Vericord. C'est le cinquième album, ils sont originaires de Pau. Ils étaient aussi avec nous au mois de janvier au PMFF. Leur sixième album annoncé pour la fin d'année, il s'appelle Machine Nation. Il contiendra 12 titres, donc ils seront le 8 juillet au Silus Metal Fest, avec notamment nos amis Tad X, Black Rain, Carcarias, Death Decline, Dying Fly, Metalcore, No Return, Sandwagon, United Prophecy et Wild. Voilà. Voilà, et tout ça, Prophecy, c'est ce que vous êtes en train d'écouter en fond sonore. Et tout ça, ce sera pour au prix de 25-30 euros au parc des Expos à Autun. Voilà, et l'ouverture des portes, 12h, midi. Oui, hein. Pour l'apéro. Voilà, pour l'apéro, exactement. Donc nous allons avoir Yann Rache, l'organisateur, tout à l'heure au téléphone. Mais en attendant, on va vous passer d'abord Manigance et on enchaînera avec Black Rain. Black Rain tiré de leur tout dernier album Released. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Back in Town. Bah, ça tombe bien parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu les Black Rain, donc effectivement le titre est bien choisi. C'est sorti sur le label UDR Records en 2016. C'était le 7e album du groupe qui contient 12 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Bah, c'est du glam rock. Le groupe s'est formé en 2002. Ils nous venaient d'Annecy, parce que pour l'instant ils ont émigré dans la région parisienne. Et ils seront eux aussi à l'affiche du Silus Fest. Donc on vous donne tout de suite un petit peu de musique avec Manigance et Black Rain. Et on se retrouve tout de suite après avec l'organisateur du festival, Musique. Malgré le temps des vents, comme ses pauvres âmes, les jours le sont. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30. Et ce soir, nous avons reçu Pascal Mulot. Il est toujours avec nous, mais pour l'instant, nous allons parler du Silus Fest 1. C'est le premier, la première édition du festival. Ça se passe à Autun. Et nous avons déjà diffusé trois groupes, donc vous avez pu entendre Undead Prophecy, dont je ne vous ai pas trop parlé. L'album est sorti chez Listenable Records, ils nous viennent de Mâcon. L'album est sorti en 2015, c'est du pur old school death metal. Et ce que vous entendez en fond sonore, eh ben c'est un peu dans la même lignée, hein, puisque le groupe s'appelle Dying Flag. C'est une autoproduction qui date de 2017. Normalement, l'album devrait sortir. Ils ont sorti jusqu'à présent un EP. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mon cher Tom ? Aide-moi un petit peu là-dessus, là, sur Black Flag. Sur Black Flag. Donc l'album qui doit sortir donc en 2017. Dying Fly, tu veux dire ? Dying Fly. Oui, c'est d'accord. Pas Fly, ils sont en denim, mais ils sortent en 2017 un album en autoprod. Et c'est du trash metal. Et ils ont un premier EP déjà en cours et ils seront au Silus Fest. Voilà, ils nous viennent de Mâcon, donc ce sont un peu les régionaux de. Non, Dying Fly nous viennent de Nîmes. Nîmes ? Ah non, eux c'est Mâcon. C'est le fond sonore, c'est Undead de Prophecy de tout à l'heure. C'est celui tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a un groupe de Nîmes, un groupe de Mâcon, et on a Yann Rash au téléphone, l'organisateur du Silus Festival 1. Bonsoir à toi, Yann. Oui, bonsoir à vous, à toute l'équipe du Rock for Show, et bonsoir à tous les auditeurs. On va te laisser présenter un peu le festival, d'où t'es venue cette idée, et puis surtout, comment on y va, quel est le prix, quels sont les horaires. Tout D'accord. ce qu'il nous faut comme détail concernant le Silus Fest 1. D'accord, alors le Silus Fest, c'est une idée qui a germé dans mon esprit il y a ça déjà une trentaine d'années, et pour des raisons professionnelles, je n'avais jamais pu le mener jusqu'au bout. Maintenant que j'ai du temps, je me suis lancé à fond dans cette aventure, qui est un peu folle hein, à la base, hein, parce que on part de rien, on a tout monté, et on a voulu créer un festival complètement dédié au métal français. Voilà, offrir une nouvelle scène pour le métal français, parce que le niveau technique maintenant est tel que les talents, ils sont aussi chez nous, et ils sont pas qu'à l'étranger, même si bien sûr, à l'étranger, il y a des super groupes, mais en France, on a aussi des super groupes. Donc, on est dans une région qui est complètement en dehors de tous les grands festivals, Hellfest, Motocultor, PMFF. Donc on est aux confins de l'Auvergne, du Lyonnais, de tout le centre France et de tout ce qui est côté Alsace, Franche-Comté. Donc voilà, le Silus Fest, donc première édition à Autun. Bon, le prix des places, il est à 30 euros pour 11 groupes. Et je pense que c'est une somme assez abordable, je dirais, pour tous les gens qui ont l'habitude d'aller au Hellfest ou dans d'autres endroits. Voilà, donc on a décidé de faire un tarif attractif afin d'attirer les gens dans notre belle région. Sinon, pour ma part, moi c'est très simple, le métal, j'avais abandonné il y a de ça une trentaine d'années, puisque j'ai commencé comme roadie chez ACDC de 80 à 83, à l'âge de 16 ans. Et à 18 ans, je suis parti faire une carrière professionnelle dans autre chose. Et après, j'ai eu cette idée qui a germé, et je me suis dit qu'un jour je le ferai. Et ça y est, on y est maintenant, donc c'est fait. Je voudrais juste préciser une petite chose. Je suis désolé pour l'équipe du Rock for Show, mais Undead Prophecies ne vient pas de Mâcon. Non, justement. Ah bon, ils viennent pas de Mâcon. C'est marrant parce que c'est marqué Mâcon sur leur site. Ils viennent d'où alors ? C'est un groupe. C'était un peu particulier. C'est un groupe anonyme, si on peut dire. il y a à l'intérieur un Français, des Scandinaves et des Américains. Alors, du coup, il doit y avoir aussi un Undead Prophecy qui est français, à mon avis, puisque c'est sur le... Bah, j'ai regardé un petit peu sur Internet, parce que je ne connaissais absolument pas du tout ce groupe, et je suis tombé sur un groupe français qui venait de Mâcon. Alors je me suis dit, ah bah c'est bien, c'est presque la même région. Non, c'est pas du tout les mêmes. Bon, très bien. Donc on s'est un peu planté, quoi. Donc on s'excuse auprès de Undead Prophecy. Quoi d'autre ? Oui, est-ce qu'il y aura une... Bon, comme partout, une buvette ? Est-ce qu'on pourra se restaurer ? Est-ce qu'il y a des hôtels dans la région ? Comment ça se passe ? Alors, pour venir dans la région, on vient soit par la route, soit par le train. On est sur l'autoroute A6, hein, donc c'est le grand axe qui descend par Lyon. Il y a le TGV aussi. Il y a bien sûr buvette, alimentation, le merchandising des groupes. On va avoir un salon de tatouage, on va avoir un luthier, on va avoir un sculpteur de cornes à bière. Enfin, on va avoir de multiples exposants. Et là, cerise sur le gâteau, on va certainement mettre une tombola avec des guitares à gagner. Ah, super! Oui, on va prendre dans la marque LTD certainement une Arrow et une Viper. Bon, alors vous entendez ça les auditeurs, vous allez là-bas, vous allez visiter une nouvelle région, vous allez voir plein de groupes français de talent et vous allez pouvoir peut-être gagner une guitare. Moi je fonce. Toi t'y vas, hein, Tom il a dit il y fonce, hein, donc bon bah, nous on y sera, hein, bien évidemment. C'est le 8 juillet, vous avez rien d'autre à faire que d'aller à Autun. De toute façon, la semaine d'avant, vous aurez été voir Pascal Mulot avec Patrick Ronda et Pascal Vignier. Hein, on en remet une petite couche parce que c'est comme ça, ça sera au Triton. Et la semaine d'après, vous prenez quelques vacances et vous filez en Bourgogne. Voilà, hein, voilà. Mon cher Yann. On ouvre à midi et puis fermeture vers 2h du matin. Ah, quand même, ouais. Et donc, il y a des hôtels autour, il y a des endroits où les gens peuvent... On peut planter la tente autour du lac, puisqu'on est au bord d'un lac. Il y a les hôtels, il y a un camping. La région est très accueillante, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, eh bien, écoute, merci pour tous ces détails. Je vous en prie. Nous, ce que je te propose, c'est qu'on continue en musique, et on va continuer en musique avec le reste de l'affiche du Silus Fest 1. Donc, on vous rappelle, le 8 juillet à Autun. On va continuer avec ADX tiré de l'album Non Serviam. Le titre que l'on vous a choisi, c'est La Furie. Mmh, oui, très bon titre. Sorti chez Ultime Records en juin 2016, c'était il y a un an, tu te rends compte? C'est dingue ça, Tom. Hein, il y a un an, déjà, on parlait que de ça. Hein. L'album fait 11 titres et c'est le 9e album réellement réel album, 9e studio. Parce que tout le monde me dit, ouais, non, c'est peut-être le 10e, le 11e. Non, il y a eu des rééditions, il y a eu des réenregistrements. Donc, non, c'est le 9e album original studio du groupe. Le groupe fait durant le speed metal. Ils sont formés en 1982 dans la région parisienne, dans l'Oise plus exactement. Et ils sont en train de plancher actuellement sur le 10e album. Donc vous aurez peut-être ça en 2018. Pour l'instant, on va déjà venir jouer à Autun. Et après, on vous en parlera un peu plus d'ADX l'année prochaine. Enfin, l'année, on va dire la saison prochaine. Puisque dès le mois de septembre, plein de concerts concernant le groupe vont avoir lieu. En France, en Belgique et puis dans quelques autres pays européens. Nous continuerons avec No Return qui nous a sorti un magnifique nouvel album avec un nouveau chanteur, encore un. Alors le line-up de No Return n'arrête pas de changer, mais bon, à chaque fois ils nous sortent une nouvelle direction musicale, un nouvel album, donc c'est quand même assez sympathique. Le nouvel album, mon cher Tom, s'appelle Fearless Wild to Wise. Et le titre que je vous propose c'est de découvrir Mission ce soir. False. Yes. L'album fait 10 titres. Et c'était pour eux le 10e album, hein, et c'est dans un espèce de, on va dire, ouais, brutal death metal maintenant, l'orientation musicale de No Return. D'autres choses à raconter sur No Return, mon cher Tom, ou... Non, aucune. Aucune. Bon, bah, alors c'est que t'as pas bien bossé. Le groupe s'est formé en 1989 sous la houlette de Alain et qui est toujours là, toujours présent aujourd'hui. Et donc vous pourrez le retrouver à Autun. Au Silus Fest 1. Yann, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Eh bien, on part en musique. Allez, c'est parti avec ADX et No Return. Et puis, on enchaîne aussi avec un troisième, pourquoi pas? Ouais, on reviendra après dessus. Ouais, on reviendra après dessus. Donc, je vous annonce juste qu'il s'agira de qui? Eh bien, de Carcarias. Allez, musique, et on se rejoint tout de suite après. Réfusée de mépris, traînée dans les viscères. Nul ne peut partager ma collection de chair. De mes mains, la vie se détache. Et ce cœur du corps, je l'arrache. Un florilège de mots qui tordent mon génie. Orner les plus belles pièces d'un jus qui pétrifie. Une danse devant mon chef-d'œuvre. Admirez De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, encore pour un petit quart d'heure à passer avec nous, et vous écoutiez jusqu'à présent Carcarias, mon cher Tom. Alors des petites choses à yes, vous dire. Yes, it's me. Carcarias. Attends, je retourne la feuille, Phil. Ah. Je suis là, voilà, je suis à toi. Extinction. Essaye de extinction. Non, c'est hein. I déjà. Ouais, extinction. Extinction. Uh-huh. Ouais, bon, KO of and Decay. Decay. Carcarias. Sorti en 2009, quatrième album. C'est un sorti chez Great Dane Records. C'est un trio de Death Technique. Formé en 91, ils nous viennent de Besançon. CDI. Même si mon. Mais, enfin, non, je vais rien dire sur mes collègues. Besançon. À Besançon, pour être plus exact. Hein, c'est Besançon. Donc, Carcarias. Et maintenant, nous allons continuer avec cette affiche du Sirius Festival, parce que là, il nous reste très très peu de temps. On va continuer avec quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu quand je l'ai entendu. Et plutôt que de prendre un titre de leur album, eh bien, je vous passe une reprise d'un générique de série télé. Hein, le titre s'appelle Game of Thrones. Je ne sais pas si ça va vous parler. Le groupe s'appelle Sang Dragon. Voilà, et c'est pour tous les fans de musique un petit peu orchestrale, les génériques de films. Vraiment, ils font du soundtrack, ils font tout ça. Moi, j'ai trouvé vraiment ça exceptionnel, ce groupe, que je ne connaissais pas. L'album est sorti en 2015, c'était leur premier album. Et ils nous font un peu du symphonique, black, death metal, qui mélange un petit peu aux sonorités et aux constructions de musique de film. Israël Macon, peut-être. Hein. Ah bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils appartenaient en fait. Sand Dragon est issu de Akhenaton et de Daemonium, voilà, qui étaient en fait les deux premières formations avant de donner justement Sand Dragon. On enchaînera ensuite avec Wild, c'est ça, mon cher Tom? Ou pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout dépend ce qu'on avait non, le temps. Non, je crois que c'était ça. C'était, je suis totalement perdu dans mes fiches. Donc si, on enchaînera normalement avec Wild, tiré de leur album Futur... oh là, j'arrive pas à lire. Purgatorius. Voilà, excuse-moi, parce que tu montes dans les numéros et tu redescends, on a changé le conducteur totalement. Donc. Purgatorius, c'est l'album et le titre, c'est Holy Grail Master, sorti chez Overpowered Records le 26 mai dernier. C'est le quatrième album, ils sont formés en 2011, ils nous viennent de Douai. Et c'est un quatuor de Death and Wall. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Eh bien, le groupe que l'on entend en fond sonore, puisqu'on n'en a pas encore parlé, ça s'appelle Death Decline. Et qu'est-ce qu'ils nous font? D'où viennent-ils, mon cher Tom? Est-ce que tu as des petits renseignements sur eux? Death Decline, si on arrive à les entendre. Ils viennent de Dijon. Oui. Hein, comme la moutarde. Ouais, c'est ça. Paraît-il, ouais, c'est leur premier album. Bold for Sin. Ils sont prévus en 2017. Donc on attend toujours. C'est un quintet de trash death. On peut les comparer à Machines, Pantera, Metallica, Testament ou encore. Arc Enemy, Death. Ouais, ou Decapitated. Voilà. Ça, ce sont leurs influences. Hein. Donc, on vous laisse avec ces deux groupes. Et puis, on reviendra pour se dire au revoir, je pense. Hein, mon cher Tom? Deux, on a dit? Bah oui, on a dit deux. On a dit Sand Dragon et ouais. Wild. D'accord. Voilà. Okay. C'est ce que je voulais, c'est bon, hein, je voulais être sûr. Vous voulez de une confirmation? Eh bien, ouais, voilà. La confirmation. Allez, on envoie la musique. À tout de suite. Avant de vous laisser partir avec Wild, qui sera à l'affiche également du Sius Fest, et après avoir écouté Sandragon, je voudrais vous rappeler un petit concert, un festival même, qu'on avait complètement zappé, puisqu'on devait en parler en début d'émission, et puis on est parti sur autre chose. Ce sera le samedi 24 et le dimanche 25, c'est-à-dire ce samedi et ce dimanche. Ça ouvre à 11h, c'est un festival qui s'appelle Festival en scène, et ça se trouve à Saint-Mamès, c'est ça, Saint-Mamès. C'est écrit M-A-2-M-E-S. Donc je pense 77. Que c'est Saint-Mamès, Saint-Mamès, Saint-Mamès, allez. Et c'est dans, et c'est dans le 77. C'est 22 places de la Beauce. Voilà, et c'est gratuit surtout, hein. C'est un concert gratuit. Donc c'est pour continuer la fête de la musique. Allez-y, c'est pendant 2 jours. Et si vous voulez le détail des groupes, eh bien vous allez sur le site du festival, Festival en scène à Saint-Mamès. M-A-2-M-E-S. Voilà, et on continue avec Wild et on se dit la semaine prochaine peut-être, Tom. On continue ou on reprend? On se dit au revoir. Oui, mais on reprend Wild ou on continue? On continue Wild, on continue, on le laisse. Et on dit au revoir à tous ceux qui ont été maintenant. Les auditeurs, quoi. C'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le rock fort chaud. Allez, attends, on va se le faire mieux que ça quand même. Ah merde. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock fort chaud. À la semaine prochaine. Merci Pascal au passage. Tu dis pas au revoir à Pascal. Merci, merci Pascal. Merci puis, beaucoup d'avoir. Et on se retrouve le 30 juin. Au Triton. Voilà. Hein, les Lilas, n'oubliez pas. 11 bis rue du Coq Français.